Nacional. Longe da vista, perto do coração. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour la 797e fois. Oui, oui, on approche des 800 quand même. J'aime bien les controns, voilà. Enfin bref, donc ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Non, je n'aurai pas de nouveautés à vous proposer. Bon, elle était comme assez riche ces dernières semaines, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est pas ça le plus important. C'est que ce soir, j'ai un invité et pas des moindres. C'est quand même quelqu'un d'important dans la scène musicale rock orléanaise. Un homme à tout faire, le staccanoviste du heavy metal. Si j'oserais, j'oserais même dire le schizophrène du metal, parce que il y a tellement de personnalités qu'on ne sait même plus auxquelles on s'adresse. D'ailleurs, ce soir, il est là en face de moi, mais je ne sais même pas lequel qui va s'adresser à moi. Peut-être que ça changera au fil de l'émission, on verra ça. C'est de Arnaud Walden que je vous parle, bien connu Arnaud, qui sévit sur la scène depuis déjà pas mal d'années quand même. Salut Arnaud. Eh ben salut. Salut. Et à côté de lui, il y a ses associés, c'est ça? Ouais, j'ai mon poteau Yannick avec moi là. C'est moi. Ouais. Donc bonjour les gars, ravi enfin de te recevoir Arnaud, parce que depuis le temps qu'on en parlait. Oui. Tu m'entends bien, ça va? Ouais, moi c'est impeccable. Bon, très bien, parfait. Merci pour le petit Fair Factory, ça fait du bien. Ah ben, pour me mettre en forme déjà, ouais, on sait déjà où on met les pieds, voilà. C'est bon. Donc, comme je disais, on peut dire que tu es un schizophrène du métal parce que tu as plein d'activités, si je n'en oublie pas. Chanteur de ton groupe Arnaud Walden. Tu as aussi un projet acoustique. Oui. Toujours sous le même nom aussi, d'ailleurs. Oui. Tu as un autre projet qui s'appelle Traffic Jam. Oui. Qui est autre chose. Tu es organisateur du Rock'n Rebrecht dont on va parler dans l'émission tout à fait. Aussi. Oui, ça s'approche. Tu donnes des cours de chant via le web, si je comprends bien. Oh, puis en présentiel, j'ai un studio chez moi et les gens viennent me voir. Aussi. C'est même surtout en présentiel d'ailleurs. Tu fais du chant classique aussi, j'ai cru comprendre aussi. Ouais. Voilà, donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ouais, les Iron Troopers. Ah, j'ai oublié les Iron Troopers, ouais. Voilà. Bah, alors, plus, de Maiden. Oui, en plus. Blasted. Ah oui. Oui, c'est bien. On va en parler un peu. Donc, on va parler un peu de tout ça ce soir, mélangé avec un petit peu l'actualité qui est même assez forte. Eh bien, merci à vous les gars d'être présents. Merci à toi. On va commencer tout de suite avec un groupe, je pense que vous aimez bien ça les gars, Tesla. Ah oui, bah oui, très bon choix. Donc on va commencer avec le live Fools from Live qui est sorti au mois d'octobre, mais qui est sorti en autoproduction, donc pas évident à trouver. Ah c'est vrai, ouais. Et on a déjà passé pas mal d'extraits. On va se faire un des classiques de l'album qui était Psychotic Supper, c'est le fameux Edison's Medicine. Je pense que ça va bien péter pour commencer. We'll be right back. one single word about the man and his wicked mind. They'll sell you on my money, familiar but a bunny. Stone girls, this all the souls. It's why that you never know about the man at a time that you was calling you his one. Good Night. Non, pas tout de suite. Après 21h, si vous voulez, parce qu'Electric Show, je vous rappelle, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Thank You, Good Night, c'est juste le titre de l'album live de Great White qui est sorti en 2002, qu'on vient de se faire à l'instant. C'était le morceau Back to the Rhythm. Et juste avant, on a eu Tesla qui a ouvert l'émission avec son classique Edison's Medicine, extrait donc de Live, Full Throttle Live. Voilà. Ça vous a plu, ça, les gars? Ah, génial. Ouais, sympa. Excellent. Du bon hard rock indémodable. Ouais, j'adore. Voilà. Bah la suite, tiens, bah c'est du Made in Orleans, c'est aussi quand même une belle fierté aussi, c'est les Burning Heads. Ouais. Quand même, des groupes qui sont là depuis 1987. Hein. Ah bah oui, c'est pas des gamins non plus, ceux-là. Et qui viennent de sortir leur 16e ou 17e album, là, il y a quelques semaines, là. Ouais. Embers of Protest. Tiens, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de partager la scène avec eux? Eh ben, même pas, figure-toi, quoi. On s'est croisés plein de fois, mais j'ai jamais même eu l'occasion de discuter avec eux, quoi, t'imagines? Orléans, c'est une si grande ville que. Oui, pourtant, la scène rock est quand même. Non, mais si tu veux, on a un souci, les musicaux sur Orléans, c'est que. On est déjà Orléans, c'est très compliqué d'y jouer. Et du coup, nous, on va jouer un peu partout, sauf là où on habite, tu vois. Donc, quand les copains y jouent, bah, nous, on joue aussi, mais ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de se croiser, quoi. Et c'est certainement la même chose pour eux aussi. Bah, exactement. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça, il faut provoquer des rencontres, sinon jamais on y arrive, quoi. Tiens, Daniel, une petite question aussi. Est-ce que la Citroën B2 est garée sur le parking? Bah, on est venu avec, hein, tu rigoles, ah, tous les deux. Bon, les gars. Ah, attends, et on a mis 7 heures pour venir d'un gré. C'est ça. On est tombé en panne 3 fois, d'ailleurs. Tu vois bien, on a du cambouis plein les mains. Ah, c'est clair, ouais, voilà. On peut aller se laver les mains, s'il te plaît. Bon, ce soir, il faudra qu'on vous aide à pousser la voiture, alors, si je comprends bien. Ah oui, oui. Donc, s'il y a des auditeurs qui veulent nous aider à pousser la Citroën ce soir, c'est ce qu'il vous reste à faire. J'espère qu'on nous a repérés d'ailleurs dans Orléans avec. Ah oui. Ah, je pense que c'est un bon petit coup, ça. Ça, ça lui fait son petit effet. On est une vieille fan d'ailleurs. Oui, on a même fait plaisir à une mamie qui s'est pris en photo. Avec la voiture. Ouais. Ah, c'est vrai que quand je vous ai vu arriver samedi il y a 15 jours, j'ai dit ça, c'est une bonne idée pour faire de la pub. C'est et ça a dû, voilà. Ah, c'est génial, hein. Pour faire des rencontres, il n'y a pas mieux. Hein. Bah, d'ailleurs, ça nous a permis de finaliser ce soir. Et ben voilà, comme tout quoi. À fait. Tout à fait. Merci la B2. Voilà. Allez, on va se décrasser les esgourdes avec Revolving Door Policy, extrait de Embers of Protest, qui est donc le dernier album des Burning. We'll be right back. maggots come to their feet. Are you fired? I'm on my way. Ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas passé, autant c'est toujours aussi bon. C'était les Dirty Fonzie qui ont fêté leurs 20 ans de carrière, groupe d'Albi, qu'on a pu voir d'ailleurs à l'Astrolabe début avril, en première partie des Shérifs. Et donc ça, c'est extrait de leur dernier album qui s'appelle Full Speed Ahead, qui est sorti en fin d'année dernière. Ça, ça fait du bien, ça fout de la pêche. Hein. Ah bah ça réveille. Hein. Donc avant, bah, fierté locale, les Burning Heads avec leur 16e ou 17e, je ne sais plus très bien, album, Members of Protest, c'était Revolving Door Policy. Bah maintenant, bah, tu vas travailler un petit peu. Hein, ok. Après tout, t'es là pour ça. Bah oui, alors, tu vas chanter. Alors peut-être, s'il veut, après tout, pourquoi pas. Après tout, c'est ton métier. Oui, c'est vrai, c'est mon métier, voilà. Mais bon, je suis en interview à Radio Arc-en-Ciel, donc chaque chose en son temps. Tu... Comme tout à l'heure, on parlait de schizophrénie, là, donc je m'adresse auquel Arnaud Walden ? Je m'adresse à celui de Traffic Jam, c'est ça ? Ah bah si tu veux, oui, c'est vrai que je suis venu avec un peu de matos pour animer avec toi ta petite émission, donc j'ai emmené des supports musicaux. Oui, c'est vrai que je suis dans plein de projets, mais ça, si tu veux, je pense pas être le seul, quoi, parce que malheureusement, quand t'es professionnel de la musique en France, et qui plus est dans le milieu du rock'n'roll, si tu veux remplir ton frigo et puis payer tes factures, bah t'as intérêt à multiplier les activités, sinon c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu arrives à en vivre ? Bah bien sûr, oui, c'est une bonne chose quand même. Alors bon, je roule pas en Porsche non plus, hein. Mais... en Citroën B2. Ouais, voilà, tu vois. Et encore, elle est pas à moi. Hein. Je me fais conduire. Il y a un chauffeur. Non, c'est compliqué, mais ça se fait. Alors du coup, tu t'adresses à auquel Arnaud ? De Traffic Jam, justement. Bah là, pour le moment, on va dire ouais, le chanteur de Traffic Jam. Donc ça, c'est un groupe. Que j'ai intégré il y a maintenant 4 ans déjà. Il y a eu plusieurs versions de Traffic Jam, parce que bah, comme tu le sais, les groupes, pour avoir une équipe stable, c'est un peu long, toujours pareil. Hein. Et d'autant plus que là, on est dans un projet très abouti. Tu vois, on est signé sur un label qui s'appelle Rockshot Records. Donc c'était assez long à mettre en place, etc. Et l'album est sorti en début d'année là. Ça s'appelle The Joke Is Over, ce qui veut dire fini de plaisanter, hein. Terminé les plaisanteries. On passe aux choses sérieuses, voilà. Voilà, ouais. Bon, ça c'était la petite blague. Mais et donc dans ce groupe, bah, je suis avec il y a Valentin Labani qui est le producteur également du groupe. Et il y a aussi avec moi David Jacob, bassiste de Trust. Il y a Caroline Ingen qui est choriste dans Magma. Je ne sais pas si tu connais le groupe Magma. Si, oui, hein, avec Christian Vander. Voilà, il y a Stéphane Cavanez et puis Olivier, notre claviériste. Voilà. Donc j'imagine que tout ce petit monde-là, bah, il est un petit peu éparpillé aux quatre coins de la France. Ah, partout, ouais. Partout. Tu vois, David à Paris, moi à Orléans, Valentin à Avignon, Olivier il est à Saint-Étienne, il y a Montpellier pour la Miss, et puis Cavaillon pour notre batteur. Alors vous faites comment pour bosser ? Chacun bosse dans son coin et s'envoie des fichiers. Oui, bah, on a les partages, vous échangez comme et ça. Puis voilà, et puis quand on a des concerts, on se voit, on fait un filage. Ça, il vaut mieux. Puis, un petit filage, et puis après, c'est parti, quoi. Et pour l'enregistrement de cet album, vous avez fait ça chacun de votre côté ou vous êtes retrouvés tous ensemble non, dans non, le studio ? On a enregistré dans un studio à Marseille. Et l'album a été masterisé par Howie Weinberg, je crois. Weinberg, oui, qui a bossé bah, pour les Foo Fighters, Metallica, oui, c'est une grosse Alice pointure, in Chains, entre autres. Voilà, quoi, ouais. Voilà. Et Traffic Jam. Voilà, rajouté en plus à son CV, à ce brave homme. Donc, comment on pourrait décrire Traffic Jam musicalement ? Alors, c'est, on va dire que c'est un héritier direct de Deep Purple, quoi. On est vraiment là-dedans, mais avec des morceaux aussi qui ont un peu la niaque d'un AC/DC. Enfin, tu vois, y a quand même quelque chose d'énergique. Mais ouais, le fil rouge, ça serait bien Deep Purple quand même. On en reparlera peut-être si tu repasses un autre morceau, mais on a fait un titre hommage à Deep Purple qui s'appelle Hey Yann. Et figure-toi que Yann Gillan, il a écouté ce morceau. Et il l'a apprécié, tant apprécié qu'il nous a envoyé un mail sur notre boîte perso quand même. Ah, t'as dû kiffer. Ah bah carrément, oui. T'as dû faire des bons. Bah t'y crois pas quoi quand tu reçois un mail d'un mec comme ça quoi, c'est un truc de fou quoi. Et donc sur scène, vous êtes comme dans le Deep Purple des années 70 avec des jams à n'en plus finir ou beaucoup plus concis? On va dire entre les deux, parce qu'il y a des jams, t'imagines, ça s'appelle Traffic Jam. Oui, c'est pour ça que je posais la question, justement. Voilà. Quoi. Mais on essaye quand même de pas saouler les gens, faut pas exagérer. Mais on est quand même 6 sur scène, donc ça occupe. Hein. Ah bah, ça fait du beau monde, ça. Donc le morceau que vous avez choisi, c'est Show Me. Show Me, ouais. C'est le premier, c'est ce qui ouvre l'album. Alors alors il y a beaucoup à dire sur Traffic Jam. Hein, je suis désolé, je suis bavard. Ah ben bah, t'es là pour ça. Hein. Sur Show Me, donc premier titre de l'album, qui ouvre avec un solo d'un certain Damian Salazar. Je sais pas si tu le connais. C'est un prodige à l'aide de la guitare argentin, tu vois, qui va intégrer la maison de production dans laquelle on est nous aussi, quoi. Donc lui, ça rigole vraiment pas quoi. Il a vraiment un statut de virtuose hein, tu verras. Eh ben on va découvrir tout de suite alors Show Me, donc de premier album de Traffic Jam. We'll be right back. Xiaomi, c'est ça? C'est ça, Xiaomi. Extrait de The Joke Is Over, le premier album de Traffic Jam, c'est voilà, ça? Voilà, exactement. Tiens, d'ailleurs, ça parle de quoi les paroles? Oh, Xiaomi, Xiaomi, c'était vraiment un titre destiné à la scène. Tu vois, un peu... comment dire, j'aime pas traduire vraiment tout ce que j'écris parce que c'est, tu sais, les traductions c'est jamais très très heureux, mais on va dire que la thématique c'est le chanteur qui arrive sur scène et puis qui provoque un peu son public en lui disant mais vas-y montre-moi ce que tu sais faire, montre-moi ton côté sauvage, montre-moi, déchaîne-toi que moi je puisse aussi donner quelque chose, parce qu'en fait tu vois les concerts c'est ça, c'est un échange. Oui. Et si le public est stoïque, le musicien l'est aussi et vice versa. D'ailleurs, de quoi parlent les textes en général de Traffic Jam? C'est assez varié. C'est moi qui écris, donc moi tu sais, je, comme tu l'as dit, je suis schizophrène, donc je m'intéresse à tout. Je suis schizophrène non pathologique, hein, attention. Non, mais c'est qu'en fait, il y a plein de sujets, tu vois, il y a des trucs légers comme ça, Xiaomi, il y a ce fameux titre qu'on a dédié à Yann, on sait pas lequel, Yann Pace ou Yann Gillan, va savoir, mais où en fait j'ai fait un espèce de jeu avec des titres de Deep Purple, et avec les titres de Deep Purple, j'ai créé une histoire, en fait, d'un jeune ado qui est... un peu énervé que tout le monde le prend pour un fou furieux parce qu'il écoute de la musique du diable, tu vois. Donc je me suis projeté vraiment loin en arrière puisque c'est Deep Purple. Moi je suis né l'année de Smoke on the Water, tu vois. Donc j'écoutais pas Deep Purple à ma naissance. Non, moi je suis né l'année du premier album, tu vois. C'est ah oui, d'accord. Donc, ouais. Quand c'est sorti, même à l'époque de Machine Head, c'était le cadet de mes soucis. Bah voilà. C'est clair, non. Donc il y a ça, il y a des sujets, je sais pas, je parle un peu d'écologie, je parle de religion, du diable qui se cache un peu partout. Je parle aussi d'une légende sur un titre qui s'appelle Devil at the Crossroads, qui parle un peu de... qui parle carrément de l'histoire de Robert Johnson. Ah ben c'est là, je crois que tout le monde en parle. Ouais, parce que c'est formidable, c'est quoi. C'est un peu notre Faust à nous, quoi. Puis plein d'autres, je suis en train de réfléchir, mais plein de sujets en fait. Et d'ailleurs, est-ce que dans ton autre projet d'Arnaud Walden, tu abordes les mêmes sujets aussi, ou tu fais une différence pour tu te réserves certains sujets, par exemple pour Traffic Jam, et t'en préfères en garder d'autres pour ton autre projet, ou où il n'y a pas de distinction? C'est... Alors tu parles de quoi, de mon projet Arnaud Walden acoustique, par exemple, ou de l'autre aussi, quoi. L'autre, si tu veux, depuis ça fait un moment qu'il est en sommeil. Pareil, c'était des sujets qui me venaient comme ça au fil de l'eau, tu vois. Il n'y avait pas trop T'as pas une barrière, tu te dis pas, tiens, je réserve tel sujet pour un Traffic Jam et tel autre pour. Non. Mais c'est vraiment pour mon album acoustique où là j'ai eu une thématique qui m'est apparue en fait au bout de 3-4 morceaux. Tu vois, ça s'appelle Résilience. J'ai écrit ça pendant le Covid. C'est ce que j'ai pensé tout de suite déjà quand j'ai vu ça sur ton site. Voilà, en fait, si tu veux, l'album il est construit comme ça, comme il y a en ouverture Once Upon a Time qui t'explique tu es en train d'ouvrir un bouquin, tu vois, qui va te raconter une histoire. Ça parle, cette chanson-là, du fait qu'on s'est retrouvé enfermé comme des cons, tu vois. Je parle d'un hiver interminable, tu vois, c'était un peu un parallèle par rapport au fait qu'on soit enfermé. Et après, je digresse sur l'évolution de... je suis parti sur ma propre vie, en fait, tu vois, l'évolution d'une vie, mais qui, la mienne, je pense qu'elle a rien d'extraordinaire par rapport à celle des autres. C'est-à-dire qu'on démarre, on est jeune, enfant, on passe par l'adolescence, les trucs un peu de fou, et puis après, on rentre dans la vie. Je t'invite à écouter avant que je te dévoile tout. Et puis, cette façon, on découvrira un petit peu plus en détail tout à l'heure. On va rester un petit peu dans le même esprit que Traffic Jam, avec Bah, un groupe que tu apprécies aussi, les gars, c'est Blue Oyster Cult. Ah oui, l'huître, le culte de l'huître bleue. Voilà, oui. Qui a sorti un nouvel album composé de vieilles chansons écrites entre 79 et 83. Ouais. Qu'ils ont un petit peu dépoussiéré. Bon, personnellement, c'est pas la période du culte que je préfère, cette période-là, la fin des années 70 et 80. Ouais, c'est vrai. Un petit peu trop FM pour moi, mais enfin bon, la qualité d'écriture et d'interprétation était toujours quand même magistrale, quand même. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est censé être leur dernier album studio. Or que le précédent, Symbol Remains, m'avait vraiment bien plu, parce que je trouvais que c'était un mélange de toutes les périodes, de tout ce qu'ils avaient fait, quoi. Ouais, c'est vrai. On y trouvait des morceaux heavy, des morceaux plus FM, des morceaux un peu à la limite du prog. Donc, enfin bon, je peux comprendre aussi, parce qu'on y retrouve tous les membres originels du groupe, dont certains ne sont plus là non plus. Et oui. Donc c'est une façon un petit peu de clore la boucle, ce que je peux comprendre. Enfin bon, il y a pire aussi comme album, sans problème. Donc, extrait de ce Ghost Story, c'est le morceau qui s'appelle Cherry. petit retour dans le passé, puisque nous étions en 1977, année où le Dictator sautait l'album The Manifest Destiny, dont on vient de se faire un extrait. C'était le morceau Erlek. Et The Dictators, qui avait comme du beau monde, puisque à l'époque figurait Ross the Boss, qu'on a connu après dans Shaking Street et plus dans Manowar, et Mark Mendoza, non pas le Mark Mendoza que tu avais fait venir lors du Rockin' Rebrèche, Mark the Animal, qui après on a connu dans Twisted Sister. Exact. Et donc, avant The Dictators, bah, je pense que ça, c'était leur pote, hein, c'était la même époque, puisqu'ils sautaient tous, ces deux groupes-là étaient de New York. C'était Blue Oyster Cult, avec son album qui sonne normalement, et son album testament Ghost Stories, et c'était le morceau Cherry. Ça fait du bien de petit rock'n'roll comme ça. Ouais, carrément, ouais. Ça file la banane, ça, c'est chouette. Alors, on va changer de registre, on va faire un petit tour du côté de Nantes, retrouver le groupe Near Death Experience. Rien à voir avec le groupe Orléans des années 90, si ça te rappelle quelque chose, Arnaud. Non, ça me dit rien. Je connais le film, oui. Oui, mais il y avait un groupe dans les années 90 qui faisait du metal indus. Je me rappelle pas. Donc, donc là, rien à voir, puisqu'en fait, on est plutôt entre The Gathering et Paradise Lost. D'accord, oui, effectivement. Donc, on va se faire donc un extrait du premier album, Brief is the Light. C'est Stolen Seasons, donc là, ambiance plus éthérée, plus gothique. Et je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est jusqu'à 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en compagnie d'Arnaud Walden. Sad World, extrait de l'album The 13 Hours, sorti en 2007 d'Oniric Illusion. Et Oniric Illusion qui sera en concert dimanche soir à Paris au club lors du 7e Ladies Rock Metal Fest en compagnie de Al Wed, Oik Numen et Still Nox. Juste avant, c'était Near Death Experience et leur premier album sorti là il y a quoi, quelques semaines, Brief is the Light, c'était Stolen Seasons. Cool, c'était ça. C'était très bien, oui. C'est sympa. Still Nox, c'est un nom de médicament, on est d'accord? Comment? Still Nox, c'est un nom de médicament. Ah, je sais pas. Si, je crois que c'est un truc pour dormir. Peut-être, je ne connais pas ce... Non, vraiment, je crois. Si tu le dis. Ouais. Enfin bref. Ah, ce qui va suivre, bah, je pense que ça va te plaire. Je pense que c'est même ton idole, c'est peut-être même la personne qui t'a donné envie de chanter. Va savoir, qui c'est? Bah, Bruce Dickinson, avec son album solo The Mandrake Project. Ah, exact, oui, il est pas mal, hein, ce truc, c'est original. Hein. Ça a été vraiment un coup de cœur pour moi de l'année, quoi. Ouais, c'est chouette, hein. C'est chouette. Hein. Et Bruce Dickinson qui sera en concert dimanche là, à l'Olympia à Paris. Alors, j'ai une anecdote, parce que étant un fan absolu, tu vois, quand on est fan, on est complètement abruti, tu vois. Et je tombe sur un site il n'y a pas longtemps, comme quoi tu peux acheter des exemplaires uniques, tu sais, numérotés, machin, je sais pas quoi, de ce que j'ai compris de l'album de Bruce Dickinson. Donc je fais ma petite commande pour la modique somme de, je sais plus, une centaine d'euros, tu vois. Et ça n'arrive pas. Et un jour, j'ai mon facteur qui arrive chez moi qui me dit, voilà... il faudrait que tu me payes, je sais plus, 15 ou 20 balles de douane pour que je te donne ton colis. Moi, je dis ok, super, donc je repaye. Ça venait d'Angleterre ? Non, des États-Unis. Ah oui, bah. Et là, je reçois, j'ai un tout petit colis, tu vois. Je l'ouvre et dedans, j'ai un bout de la BD The Mandrake Project de quelques pages et puis un espèce de. De badge, tu vois, numéroté avec la signature de Bruce Dickinson. Et c'est tout. Ouais, bon. Donc là, tu vois, d'un coup, je l'aimais moins, Bruce Dickinson. Enfin, toujours est-il que son album, je le trouve vraiment extraordinaire. Ah oui. Et le morceau qu'on va se faire ce soir, moi, j'adore parce qu'il commence avec un riff hispanique qui se. Poursuit en riff sabbatien. Ah oui, je vois auquel tu penses. Sur le coup, ça peut paraître presque incongru, et en fait, ça se marie vraiment extrêmement bien. Mais j'espère qu'ils vont le jouer dimanche. D'ailleurs, je vous en parlerai la semaine prochaine. Okay. Alors moi, par contre, dimanche, malheureusement, je ne serai pas devant Bruce Dickinson, puisqu'il y a le Rockin' Rebrèche. T'as fait qu'il y a Dieu sur deux jours. Ça sera la deuxième journée du Rockin' Rebrèche. Tu me diras, le dimanche, on termine à 18h, en se dépêchant bien. Je peux être à Paris hein, pour Dickinson hein, mais bon ça va être tendu. Sachant que le samedi on va peut-être dormir 2-3 heures dans la nuit, dimanche soir je risque d'être un peu rectifié quand même. Des chances. C'est clair. D'ailleurs le dimanche soir parce que bon le samedi c'est les têtes d'affiche hein, oui. Donc La Jarry, Princesse Leia voilà. Et Sidi Larsen. Oui. Et le dimanche c'est un peu une scène ouverte hein, si j'ai bien compris. Voilà c'est ça, on ouvre avec une chorale, après il y a des démonstrations de guitare. Après, il y a un trio acoustique pop rock. Après, il y a un groupe de blues rock. Enfin bref, c'est bon enfant le dimanche. C'est entrée gratuite. Voilà, c'est familial quoi. Tu vois, ça ouvre à midi. Faut pas oublier Prisma. Et Prisma, ils sont la veille. Ils sont la veille. Prisma, oui. Mais on va en reparler après, parce que je sais qu'en plus Chris, il est aux écoutes, Christophe Danaker. Oui. Parce que t'as pas fait gaffe tout à l'heure, le téléphone a sonné. Si j'ai bien vu le téléphone sonner, mais j'étais en train de caler le morceau suivant. Et j'ai décroché. Voilà. Et quand j'ai décroché, c'est très tôt tard. Je serais pas surpris que c'était lui qui essayait de nous faire un petit coucou. Et c'était Chris. Donc Chris, on fait un gros coucou. Salut Chris. Autre Bruce Dickinson, qui d'autre t'a vraiment donné envie de chanter aussi? Oh ben moi tu sais je suis c'est très banal, il y a Bruce Dickinson, Ronnie James Dio, ouais. Rob Alford. On en passera un petit morceau juste après. Voilà, Rob Alford, Geoff Tate de Queensryche. Comme ça j'ai du mal à tous te les sortir d'un coup. Dans les récents, j'aime beaucoup Miles Kennedy, mais lui, il m'a pas donné envie de chanter, puisque j'étais déjà chanteur quand je l'ai découvert. Mais voilà, on va dire que mes idoles, les basiques, ça va être Dickinson, Dio, Rob Halford et puis Paul Di'Anno, quoi. Bah, Dio, on se fera un petit hommage tout à l'heure. Mais en attendant, on va revenir donc à l'album de Dickinson et on va se faire le super Resurrection Man. Resurrection Man, extrait donc de The Mandrake Project de Bruce Dickinson. Et ben, je crois que c'était le dernier morceau d'album parce que je crois pas que j'ai tout diffusé. Ah bah carrément. Ah bah quand on aime. Ah oui, bon bah ça va. C'est... Et le concert de l'Olympia s'annonce à mon avis assez grandiose, je pense. Ah c'est possible, ouais, ouais, ça, je pense que ça va être chouette. Hein. Donc ça, je pourrais vous raconter ça la semaine prochaine. Excellent. Eh bien, à tous ces... Puisque j'ai un invité, je vais le faire travailler un petit peu là. Ah. Alors on va changer de personnage là. On va passer à le Arnaud Walden acoustique. Ah bah oui, c'est oui. Ça. Donc mon album acoustique Résilience, c'est ça. Bah écoute, ouais, comme je te le disais tout à l'heure, c'est un album un peu. On va dire que c'est presque un biopic, tu vois, qui déroule un peu des instantanés de vie. Quoi. Alors évidemment, sans trop donner de détails, quoi, tu sais, c'est toujours pareil, c'est des impressions, ouais. Et puis j'imagine que le côté acoustique aussi permet d'aller plus en profondeur sur des trucs. Peut-être pas plus intime, mais plus personnel que ouais, nous ouais. Permettrait peut-être. Ouais, carrément. Et puis même dans le chant, si tu veux, parce que vu que c'est tombé en même temps que je me suis mis au chant lyrique, et ben, tu vois, j'ai expérimenté des trucs là-dedans. L'idée de base de cet album, c'était quand même de se dire, tiens, et si tout pétait un jour, tu vois. Tu vois, tout pète, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Bah. Moi, mon album, je peux le jouer dans une clairière éclairée à la bougie, tu vois. Ça fonctionne. J'ai pas besoin de toute une machinerie, d'ailleurs. Il y a pas longtemps, j'ai fait un concert avec en mode trio, donc avec David Jacob et puis Aurel Ouzoulias, qui sont respectivement... David, il est à la contrebasse et Aurel, il est à la batterie. Et quand on a fait les balances, il n'y avait rien de branché. On a joué comme ça, quoi. Bah, limite, on avait presque un meilleur son que après, quoi, tu vois. On a très, très envie d'aller vers ce truc-là, d'aller peut-être jouer dans des endroits un peu insolites où il y a beaucoup de réverbération naturelle, tu vois, qui pourrait nous permettre de jouer totalement unplugged, quoi, pour de vrai, quoi. Et moi, le chant lyrique m'a ouvert à ça, si tu veux, d'arriver à utiliser l'espace pour envoyer ta voix un peu plus loin. Tiens, la petite digression, justement, tu parles de chant lyrique. Est-ce que tu as eu l'occasion de chanter avec, peut-être pas un orchestre symphonique, mais je veux dire un orchestre genre musique de chambre Oui, oui, oui. Ce genre de choses, un ou deux violons, ouais, bah, un violoncelle. J'ai chanté ouais, avec des formations, comme ça. Quoi. Des corps, j'ai fait aussi. Ouais, ouais, j'ai fait, c'est super intéressant, quoi, tu vois, ça... C'est organique, je sais pas comment t'expliquer le truc, mais tu vois, en classique, on ne fait pas de décompte avant de partir. Tu vois, on se regarde et la musique commence. Et est-ce que tu auras l'intention de faire un disque, justement, lyrique que... Ouh là là, non. Honnêtement, je c'est pas du tout dans mes projets proches. Et même éloigné. Un jour, peut-être, on sait jamais, parce qu'avec moi, on sait jamais. Mais c'est la musique lyrique se vit en vrai, en fait. Hein. C'est très très compliqué à capter déjà. La captation du chant lyrique, elle est compliquée parce que t'envoies tellement de sons que tu peux pas faire ça dans un studio. Tu sais, c'est forcément dans des grandes salles. C'est assez complexe. Hein. Et puis, bah, pour faire un album, ça veut dire qu'il faut bosser à minima 12-13 leads, ce qu'on appelle ça des leads. C'est un énorme travail, quoi. Donc, là, sur ton album, toutes les compos, c'est des compos originales ? Oui. Que tu as écrit tout seul ou... Moi-même, tout seul. Homemade, fait à la main, à la maison. Donc, comme tu l'avais dit tout à l'heure, c'est un album plus ou moins conceptuel malgré tout. Ah oui, complètement bon. Même. Ouais. Donc, l'introduction, d'ailleurs, c'est pour ça que tu as choisi, c'est... Once upon a time, il était une fois. Eh ben, il était une fois Arnaud Walden dans les studios de Radio Arc-en-Ciel sur Electric Shock. Time. running on end. We used to walk hand in la parenthèse acoustique choc, mais vous êtes toujours bien en train d'écouter Electric Choc en compagnie d'Arnaud Walden. Ça, c'était donc un extrait de son projet acoustique Résilience. C'était le morceau Once Upon a Time. Once Upon a Time, oui. Voilà. Donc, on fera peut-être une petite pause acoustique choc tout à l'heure. On verra suivant la tournure des événements. Alors, j'ai un petit rappel à l'ordre. Là, il faut que je dise, je viens de recevoir un message. Pense à dire qu'on peut acheter ton album sur ton site. Ah bah oui, il faut le dire, oui, justement. Donc, je le dis. Merci. C'est ma chérie qui me rappelle un petit peu des fois. Parce que bon, heureusement qu'elle fait est bien, là. Fait bien. D'ailleurs, tous tes albums, on peut les trouver sur ton site, j'imagine. Ouais, tu vois, moi, sur mon site, j'ai une rubrique qui s'appelle Shop. Et là, tu accèdes à peu près tout, sauf Traffic Jam, parce que vu que Traffic Jam, c'est labellisé, tu vois. Donc faut, là, c'est en commande à la FNAC ou directement sur le label Rockshots Records. D'accord, voilà. Donc, et tous tes albums sont disponibles ? Alors, ou certains sont épuisés, ouais, maintenant. Non, il m'en reste un peu de tous. Hein, il m'en reste. J'ai des vinyles aussi sur l'acoustique. Je l'ai sorti en vinyle pour me faire plaisir aussi, quoi. Tu as raison, faut le préciser parce que quand on voit le retour du vinyle. Ouais, puis c'est chouette, quoi. C'est fait toujours un bel objet, quoi. Ouais, carrément. Toujours. Ah bah là, on va se faire un hommage à, pour moi, c'était mon chanteur préféré. Ouais. Même si j'adore Dickinson, si j'adore Ian Gillan, celui-là quand même, il a un petit truc en plus. Ah, c'est Dio, ouais, ouais, c'est quelque chose. Qui nous a quittés maintenant, ouais, il y a de ça, 14 ans quand même. Ah, c'est, ouais, ça passe vite. Hein. Et bah, on va se faire un hommage. J'ai pas choisi un des classiques, j'ai préféré revenir à un album plutôt mal aimé. D'ailleurs, je sais pas très bien pourquoi. Je pense que maintenant, il va peut-être revenir avec le temps, peut-être que. Oh, moi, j'ai vu, je sais ce que tu vas passer, donc je ne dis rien, je laisse la surprise. C'était l'album Dream Evil, d'ailleurs, qui n'avait pas très bien marché commercialement, ouais, parlant. Et pourtant, quand on le réécoute avec le recul, on s'aperçoit qu'il est vraiment tout à fait de la lignée des trois premiers. Ah ouais, moi, problème. Je le trouve super, cet album. Ouais. Bon, moi, je suis pas objectif, je les trouve tous bien, ces, ouais, albums. Que ce soit même Angry Machines. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a toujours de bonnes choses. Lock Up the Wolves. Voilà. Je les avais vus. La première fois que je les ai vus, c'était cette tournée, c'est d'ailleurs. Vrai, ouais. Énorme. On va se faire le morceau épique qui était All the Fools Sailed Away. magnifique. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Ah bah oui, il n'y a rien à dire d'autre. All the Fools Sailed Away, donc était extrait de l'album Dream Evil de Dio, et ça c'est en hommage à ce grand monsieur qui nous a quitté il y a de ça maintenant 14 ans. On va changer de registre, on va se faire un petit extrait de l'album de Down to the Wire, je ne sais pas si vous connaissez les gars. Non. Donc l'album c'est Deep in Denial, alors c'est du rock alternatif, mélange de Deftones, Alice in Chains, plein de choses comme ça. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, là, parce que Yannick, lui, tu sais, il aime bien les trucs qui te font sauter les plombages et tout. Donc, non plus forcément. Moi, je crois qu'après, il y aura un petit truc qui va lui plaire. Ouais, alors. D'accord. Donc, extrait de cet album va se faire le morceau. C'est Other Brother. Quelle platine, que je fasse pas de conneries. Je sais plus où j'en suis. Ah bah voilà, on t'a perturbé. Voilà, tout à fait. Bah ouais, non, mais c'est de votre faute, les gars. Ah ouais, désolé. Nous, on est intenable, hein, tu sais, quand on sort de chez nous. Check your bones to see your blood. Check your bones and nothing. Paradise et son premier album Ready for More, c'était Game Master et avant Down to the Wire que vous connaissez bien parce que ça fait déjà, ouais, on a passé déjà pas mal d'extraits depuis la sortie de cet album. As the Brother, extrait de Deep in Denial. Ça, j'ai l'impression que ça vous a bien plu, les gars. Ouais, carrément, ouais. Ouais, je vous emmène faire un petit tour du côté d'Antibes, là où il fait chaud. Ah ouais. Découvrir le groupe Swarm. Swarm. Ouais, qui a déjà sorti plusieurs albums. Ouais. Alors, c'est un mélange de trash death, qui mélange des chants en français et en anglais en même temps. Des choses très intéressantes sur cet album qui s'appelle Omerta. Ça vous dit? Eh ben, allez, on voit. Envoyez, c'est pesé. Donc, extrait de cet album, c'est Suicidal Dreams. big one, a decide for little one more, they're slave of his surrender. You just have the choice to take a number. We'll be right back. Mona Mars avec un extrait de l'album Deceiver of the Gods sorti en 2013, si mes souvenirs sont bons, c'était Shape Shifter. Et beaucoup plus récent, puisque Swarm s'est sorti là au printemps dernier, c'est un extrait de l'album Omerta, c'était Suicidal Dreams. Sympa ça, hein? Sympa, ouais. Ah oui. Du bien ça. Ouais. Ça décrasse les esgourdes. J'aime bien ça. Eh bien, la suite, qu'est-ce que c'est la suite au fait? Auquel Arnaud je m'adresse là? Ah! Bah, Arnaud, chanteur de Traffic Jam, alors c'est ça? On revient sur Traffic. Donc le titre, tu veux que je présente le titre qui va venir? Bah oui, tu as travaillé un petit peu quand même. Alors tout à l'heure, tu m'as demandé quand même les thématiques abordées dans cet album, et je t'ai dit qu'elles étaient multiples. Et là, du coup, on est sur un truc complètement délirant, quoi, parce qu'il y a. Il y a je peux même pas dire quand. Je m'étais imaginé, arriver dans un bar pour faire un concert, tu sais, dans un endroit vraiment tout petit, tu sais, qui est pas du tout adapté au groupe de rock, comme malheureusement c'est souvent le cas, tu vois. Oui. Et de faire le délire de se pointer en limousine, tu sais, avec un manteau de fourrure. Au bras de deux mannequins avec des nichons énormes et puis avec un nain qui porterait mes flycases de guitare, tu vois, et un nain qui s'appellerait Oswald, tu vois, je le voyais, tu sais, en galérer à soulever les flycases avec ses petites pattes, tu vois, et un mec un peu toujours de mauvaise humeur, tu sais, ingérable, quoi, et du coup j'étais parti dans mon truc. Et franchement, si je savais dessiner, j'adorerais que si quelqu'un nous écoute et qui est un dessinateur, moi j'ai un scénario incroyable, hein, tu sais, avec pour un clip, ça pourrait être génial. Ouais. Et du coup, je suis parti dans ce truc de Oswald, parce qu'en fait, je trouve que le nom Oswald, tu vois, il y avait un côté très très méchant, tu vois, pour un nain, je trouve que c'est super. Un côté cartoon aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors je ne veux pas du tout. Je veux dire, s'il y a des nains qui nous écoutent, je les aime tous, hein, parce que je sais qu'aujourd'hui il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Mais bon, malheureusement, moi je suis de l'ancienne époque où on dit tout ce qu'on pense. Hein. Et voilà, quoi. Et du coup, cette histoire là que bientôt je vais vous conter au travers de la chanson qui va venir là, c'est donc l'histoire d'un mec qui s'appelle, on sait pas comment, mais qui me ressemble étrangement, et qui prend sa bagnole pour descendre dans le sud pour aller répéter avec des copains musiciens. Et puis il y a une super nana sur le bord de la route qui fait du stop, donc bien évidemment il s'arrête. Mais malheureusement, elle est... C'est du vécu, non? Non. Parce que je crois que madame, elle écoute. Ouais, mais non, c'est vraiment une fausse histoire. Mais des fois, je la raconte comme si c'était vrai. Et du coup, la nana en question, eh ben, elle est accompagnée d'un nain. Encore? Ingérable, qui s'appelle Oswald. Donc c'est pour ça que j'ai appelé la chanson Oswald and the Beauty Queen. Waouh! T'as dû fumer vraiment du très bon. Hein. Ouais, mais j'ai même pas besoin, tu sais. Moi, c'est... Oui, donc c'est bien ce qu'on disait. Finalement, je me suis pas trompé, t'es bien schizophrène. Hein. Eh bien, on est tous schizophrènes ici quand on écoute Electric Shock. C'est pour ça qu'on va se mettre Oswald and the Beauty Queen. My brain. Traffic Jam, donc, qui nous racontait les histoires d'Oswald, c'est ça? C'est ça. Oswald and the Beauty Queen, donc extrait donc, du premier album The Joke is Over. Exactement. Et Electric Shock va bientôt, malheureusement, tirer à sa fin, parce que c'est vrai que quand on est invité, on passerait bien encore deux heures sans problème. On peut rester. Hein. Bah ouais, mais oui, mais bon, après, il y a Electro Live, et Electro Live, fait, c'est un an, donc quand même. Ah, effectivement. On va pas lui bouffer. Parlons un petit peu, tiens, du Rockin' Rebrèche qui a lieu ce week-end. Et ouais, donc, ça commence samedi à 17h, tu vois, ouverture des portes 17h. Il va y avoir Sidi Larsen, Princesse Leia avec Dedo du Jamel Comedy Club, vous connaissez sûrement, et aussi La Jari, groupe olivetain quand même. Oui. Donc c'est les locaux de l'étape, on les salue bien. Et en interplateau, on aura donc Prisma. Le groupe de Chris Danaker que tu connais bien. D'accord, donc il n'y aura pas de temps mort alors. Non, parce qu'en fait, à chaque, entre chaque changement de plateau, paf, il y aura musique tout le temps, quoi. Donc c'est 20 balles l'entrée, c'est pas cher pour voir autant de musique de 17h à 1h du match. Je pense que ramener à la minute, ça fait pas cher, quoi. C'est clair. Et puis j'imagine, qu'est-ce qu'il faut? Restauration, merchandising, t'as plein de choses. Il y a des exposants de toutes sortes. On a des tatouages, on a du piercing, on a des fringues rock, on a la personnalisation de chaussures. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore, Yannick? Des voitures américaines. Enfin, il y a de quoi s'occuper en plus de la musique, tu vois. Merci des groupes. Le merchandising des groupes, bien sûr. Ouais. Eh bien, on va se faire un petit extrait d'un album de Sidi Larsen, qui sera donc la tête d'affiche. Ouais. Tête d'affiche, oui. Un groupe que ça fait 26 ans qu'ils existent, quand même. Ouais. Ou 12 ans. Ouais. Et on va se faire un extrait de l'album Dance Floor Bastards, qui était sorti en 2016. On va se faire tout simplement le morceau qui donne son titre à l'album. Eh bien, allez, c'est parti. Bon, je vous ai raconté n'importe quoi, c'était pas Dance Floor Bastard. Dance Floor Bastard, c'est le titre de l'album et le morceau, c'était Spread It. C'est du live, c'est du direct, voilà. Voilà. C'était très bon quand même. Tu es un être humain, tu as le droit de te tromper. Voilà, bah ça m'arrive assez souvent, même un peu trop. Donc Sidi Larsen qui sera tête d'affiche du Rock in Rebrech qui a lieu donc ce week-end. C'est ça, c'est voilà. Ça, ouais. Bah, j'espère que vous allez avoir beau temps. Hein. Ouais, il va faire beau. Ouais, c'est prévu. Ouais. Puis à Rebrechien, il y a un microclimat si tu veux. Donc je pense qu'il faut même prévoir la crème solaire, tu vois. D'accord. Et donc pas de danse de la pluie à faire avant, quoi. Non. C'est pareil, on a le camping. Oui, il y a moyen de dormir sur place si vraiment vous n'avez pas envie de reprendre la route. Bah, c'est toujours bon à signaler. Mmh. Bon, bah, va être temps de se quitter, il nous reste que quelques minutes. Bah, oui, malheureusement, c'est comme ça. Hein. Tout a une fin, c'est normal. Voilà, puis, bah... En tout cas, merci de m'avoir. Merci d'être venu. Hein, petite dédicace à notre ami Fred. Ah oui, aussi, ouais. Fred, tu sais, Fred Malon, c'était quand même un très très bon copain et à chaque fois que je gravis les escaliers de ce studio, je peux pas m'empêcher de penser à lui, quoi. Puis j'ai revu des photos là dans le couloir. Normalement la semaine prochaine, je ferai un hommage à Fred. Oui. Ouais. Okay. Tous les ans aussi, oui, parce que c'est pareil, j'y pense aussi. C'est souvent au mois de novembre que j'ai commencé l'émission. Ouais, et à chaque fois, il était là où vous étiez. D'ailleurs, ça me fait toujours drôle de le voir là, parce que moi, j'étais habitué à le voir là où je suis actuellement, quoi. Merci. Et voilà, quoi. C'est quelqu'un qu'on n'oubliera pas. Ça, c'est clair. Oui. Donc, on va terminer avec Traffic Jam. Ouais, tu vas mettre quoi? God Save the Queen. Oui, rapport avec la chanson des Pistols. Rien à voir. En fait, là, je me suis tapé un délire sur les Français qui chantent en anglais. Tu vois, c'est vraiment une pre-rate joke avec les Anglais, on va dire. C'est destiné à être joué dans des clubs en Angleterre pour qu'on se marre tous ensemble. Ok, donc avec la panne de bière et tout ce qui va avec. Ouais, voilà, ouais. Et bien voilà, donc ce sera le dernier morceau d'Electric Shock, God Save the Queen par Traffic Jam. Nothing to regret. Just God Save the Queen de Traffic Jam. Extrait de The Joke is Over. C'était le dernier morceau d'Electric Shock. Merci Arnaud d'être venu encore une fois. Eh ben merci pour ton invitation, ça fait super plaisir. Et je sais que j'occupe beaucoup de temps sur de paroles à cause de tous mes projets, donc je m'en excuse. Eh bien reviens quand tu veux. En tout cas n'hésite pas à me tenir au courant de ton actualité. Pas de problème. Pourquoi? Et puis bonne chance pour le Rock in Rebrèche, hein. J'espère que ça a bien marché. Si tout le monde répond à l'appel ce week-end, normalement ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, merci encore à vous les gars. Donc merci Electric Shock, c'est fini pour ce soir. Et bien pour la semaine prochaine, des surprises. Je pense que je peux faire un petit compte-rendu du concert de Bruce Dickinson et puis bien d'autres choses, bien sûr. Mais restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel car la musique continue. Electric Shock, je vous disais, c'est fini, mais Electro Live, c'est maintenant. Et je vais en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à Electro Live. Merci, salut, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, déjà un an, hein, Christophe. Ah, déjà un an d'émission, sans heures de mix en live. Le temps passe vite. Eh oui. Et pour les un an... Qu'est-ce que tu nous as prévu? J'ai prévu un truc plutôt funky house. Pas trop de nouveautés ce soir, mais plutôt... un peu ce que j'ai joué dans l'année, quoi. Voilà. En funky. Donc, un petit best-of de l'année écoulée. Ouais, grosso modo, ouais. Eh bien, restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel, Electro Live. C'est tout de suite, maintenant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Arnaud, les gars, merci salut. Encore à vous. Salut et bon anniversaire. Merci. Salut à bon tous. Concert. Merci.